La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Le labyrinthe de Crète. Puisqu'en vous racontant la fable d'Hercule, je vous ai parlé de Thésée, il faut que je vous fasse connaître une des aventures de ce héros grec qui vous donnera une grande idée de son courage et de sa résolution. Minos, roi de l'île de Crète, est le même qui, après sa mort, devint un des trois juges des enfers, ayant déclaré la guerre aux Athéniens, avait fait vœu de sacrifier chaque année un magnifique taureau blanc à Neptune, si ce dieu voulait bien lui accorder la victoire. En effet, le roi de Crète vainquit ses ennemis, et pendant plusieurs années, il tint sa promesse envers le dieu. Mais ensuite, trouvant apparemment qu'un si beau taureau lui coûtait trop cher, il voulut en substituer un autre d'une couleur moins remarquable. Neptune, irrité contre lui de son ingratitude et de sa mauvaise foi, fit sortir du sein de la mer un monstre moitié homme, moitié taureau, auquel on donna le nom de Minotaure, parce qu'il appartenait à Minos, et imposa à ce roi l'obligation de nourrir chaque année, pendant un jour, ce monstre avec de la chair humaine. Cette obligation, mes enfants, parut bien horrible à Minos, qui se voyait alors à la veille de faire dévorer tous les ans au Minotaure quelques-uns de ses sujets, lorsqu'il lui vint dans l'idée de contraindre les Athéniens, pour prix de sa victoire, à lui envoyer chaque année cette jeune garçon et cette jeune fille pour assouvir la rage du monstre. Cette coutume cruelle fut observée pendant bien longtemps. Et une fois par an, un navire couvert de voile noire sortait du port d'Athènes et portait dans l'île de Crète les 14 victimes que le Minotaure devait dévorer. Or Minos, ne sachant où enfermer un animal aussi féroce que le Minotaure, avait fait construire par Dédale, le plus habile ouvrier du pays, un jardin nommé le Labyrinthe, où il y avait tant de détours, d'allées, de chemins de toute espèce, qu'une fois qu'on y était entré, il devenait impossible d'en sortir. Ce n'est pas la première fois, si j'ai bonne mémoire, que vous rencontrez dans vos lectures ce mot de labyrinthe. L'histoire ancienne parle aussi d'un palais égyptien auquel on donnait ce nom et qui se composait d'un si grand nombre d'appartements qu'il était difficile de s'y reconnaître. Quoi qu'il en soit, le labyrinthe de Crète, où le Minotaure fut enfermé, avait été tracé avec tant d'art que Dédale lui-même, qu'il avait construit avec l'aide de son fils Icare, ne trouva d'autre moyen d'en sortir que de fabriquer pour Icare et pour lui-même des ailes de plumes d'oiseaux réunies avec de la cire, avec lesquelles ils s'élevèrent dans les airs et s'échappèrent ainsi de l'île de Crète, dans la crainte que Minos ne les enfermât de nouveau dans le labyrinthe. Malheureusement, dans cette fuite miraculeuse, le jeune Icare, ayant eu l'imprudence de se trop approcher du soleil pour le contempler à son aise, la cire qui retenait les plumes de ses ailes se fondit par la chaleur de cet astre, et l'imprudent tomba dans la mer, qui depuis ce temps reçut le nom de mer Icarienne. Dédale, plus heureux ou plus prudent, atteignit seul le but de son voyage et se retira en Sicile, où il mourut bientôt après de douleur de la perte de son fils. Je n'ai pas besoin sans doute de vous faire remarquer, mes enfants, que cette fable d'Icare est, comme celle de Phaéton, une utile leçon pour ceux qui ont l'orgueil de s'élever plus haut qu'ils ne doivent. L'imprudence de ce jeune grec est celle de beaucoup d'enfants, qui en voulant parler de choses au-dessus de la portée de leur âge, font voir à tout le monde qu'ils ne sont que des perroquets mal avisés. Cependant Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, ayant appris que le vaisseau qui devait conduire au Minotaure ses 14 victimes était prêt à mettre à la voile, se plaça malgré les prières de son père au nombre des jeunes garçons destinés au sacrifice, et cacha soigneusement sous sa robe une épée avec laquelle il se proposait de combattre le monstre. Mais son courage lui eût été inutile si Ariane, propre fille de Minos, qui se trouvait au bord de la mer au moment où les jeunes Athéniens débarquèrent sur le rivage, prenant pitié de sa jeunesse, ne lui eût fait présent d'un peloton de fil avec lequel il put débrouiller les inextricables détours du labyrinthe. Ce fil précieux devint, entre les mains de Thésée, la cause du salut de ses compagnons et de la mort du Minotaure. Car aussitôt que le héros aperçut le monstre, il se précipita sur lui et le perça de 1000 coups d'épée. Puis, à l'aide du fil d'Ariane, qu'il avait eu soin d'attacher à la porte du labyrinthe, il retrouva sans difficulté le chemin du rivage et regagna son vaisseau, sur lequel il fit monter cette princesse pour la soustraire au ressentiment de son père. Pendant la traversée qui fut longue pour retourner à Athènes, tout l'équipage ayant débarqué je ne sais par quel motif dans l'île de Naxos, Thésée eut l'ingratitude d'abandonner pendant son sommeil sur ce rocher désert la bonne Ariane, à laquelle il devait la vie. Peu de temps après cette lâche trahison, Bacchus, qui revenait de ses voyages de l'Inde, ayant aussi abordé à Naxos, il trouva encore cette princesse qu'il parvint à consoler et qu'il épousa. Il lui donna pour cadeau de noces une magnifique couronne d'or, l'un des plus précieux ouvrages de Vulcain, qui, après la mort d'Ariane, fut placé parmi les astres où elle figure une constellation que l'on nomme aujourd'hui la couronne d'Ariane. Quant à Thésée, mes enfants, il fut bien cruellement puni de son ingratitude. Car ayant oublié dans sa précipitation de changer les voiles noires du vaisseau qui le portait, son vieux père Égée reconnut de loin ce triste navire, et ne doutant plus qu'il lui apportât la nouvelle de la mort de son fils, il se précipita dans la mer. Depuis ce temps, cette portion de la Méditerranée qui baignait le rivage d'Athènes fut nommée la mer Égée.